La consommation de drogues douces comme le cannabis a tendance à se banaliser chez les jeunes, parce qu'elles sont associées à l'image de la fête et des relations entre amis. Ces drogues sont souvent associées au tabac ou à l'alcool et comme ce dernier, elles altèrent les capacités physiques du conducteur. Par leurs effets libérateurs, elles font prendre des risques aux jeunes qu'ils ne prendraient pas en état normal. Ils roulent plus vite, ne mettent pas la ceinture, etc. Pour bien conduire, il faut toujours avoir le corps et l'esprit sains. Réponse A.